بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc on poursuit aujourd'hui inshallah بإذن الله وبعونه dans ce livre المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. La dernière fois nous nous sommes arrêtés à la 23e question. Anwasil inshallah. Yaqulu fi as-su'al al-rabi' 20, 24e question. Fi yaqil lak ma a'zam hasanatin wa ma a'zam sayyi'ah. Si on te demande quelle est la meilleure des actions et la pire des mauvaises actions. Car la hasana, c'est ce qu'on appelle la bonne action, ou sayyi'ah, c'est le contraire. Fa qul a'zam hasanatin huwa tawhidullah 'azza wa jalla. وأعظم سيئة هو الشرك بالله عز وجل. Donc la meilleure des actions, c'est le tawhid. Et la pire, c'est le shirk. Et bien sûr, on en a beaucoup parlé, dont le dalil est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ أَنْ شَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Donc le fait qu'Allah ne pardonne pas cela prouve que cela est la pire des actions. Wa qawlu ta'ala fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim falaw anna lana karratan fanakuna min al-mu'minin. Il dit dans le sens, il n'y a pas d'intercesseur pour nous, c'est-à-dire là ce sont pour les mushrikoun, ceux qui sont morts sur le shirk. Ils n'ont pas droit à la shafa'a. Ni d'amis chaleureux, si seulement il y avait un retour pour nous afin d'être parmi les croyants. Donc, c'est ce que diront les mushrikoun. Après la mort, ils regretteront et ils souhaiteront revenir à la dunya. Et cela ne sera pas possible. Et il n'y aura personne avec eux. Même leurs meilleurs amis qu'ils avaient en cette dunya ne seront plus avec eux. Et personne ne pense à des pour eux. Voilà, azubillah. Wa an Anas bin Malik, radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala shafa'ati li al-kaba'il min ummati. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que mon intercession est pour ceux qui auront commis des grands péchés parmi ma communauté. Parmi ma communauté, c'est-à-dire les musulmans. Tous ceux qui n'ont pas fait de shirk, mais qui ont commis des grands péchés, auront droit à la shafa'a. Et celle-ci, elle a des conditions. Cette shafa'a se fait, bien évidemment, qu'avec, elle ne se demande qu'auprès d'Allah azawajal, elle n'a lieu qu'avec sa permission, et que l'intercesseur et l'intercédé sont tous les deux agréés auprès d'Allah azawajal, c'est-à-dire des croyants. Et cela prouve que les gens les plus heureux de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront ceux qui auront commis les grands péchés parmi les musulmans. Donc cela est une réfutation au Khawarij parmi ceux qui excluent pour un grand péché les gens de la communauté. Ce hadith est un argument contre eux, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sa shafa'a sera pour les gens des grands péchés de sa communauté. Donc cela indique que parmi les musulmans, des gens feront des grands péchés. Et même ces gens-là sont les plus nombreux. Voilà, Ummah, fil haqiqa. Wa an Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم, من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. Que celui qui meurt sans rien associer à Allah rentrera au Jannah. Ce qui n'exclut pas qu'il puisse être châtié auparavant, pour expier ses fautes. Mais il entrera au Jannah. Quant à celui qui associe à Allah, entrera en enfer. Et là, on parle de celui qui meurt sans tawbah. Et ce hadith est également une preuve indiquant que celui qui aura fait du shirk asrar, sans tawbah, entrera au nar. Car dans le hadith, وَمَنْ يُشْتِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا, celui qui associe à Allah quelque chose, c'est-à-dire c'est une chose indéfinie dans une phrase affirmative, ça, c'est parmi les règles de Usul. Cela implique une généralité. Donc, c'est-à-dire, tout shirk qui est fait implique de rentrer au feu. Après, on a expliqué que le shirk asrar, celui qui en commet, ne sera pas au feu éternellement. Donc, le tawhid, on peut l'appeler hasana. Comme dans le hadith de cet homme qui avait, Yom al-Qiyama, qui aurait des registres se déployant à perte de vue avec toutes ses mauvaises actions. Et qui se voyait perdu ثم يقال له فإن لك لدينا حسنة فلا تظلم اليوم. Tu as aujourd'hui avec nous une bonne action. Tu ne seras point lésé. فتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. Et on lui sortira une carte dans laquelle il y aura écrit La ilaha illallah. Cette carte l'emportera sur la balance contenant à contrepoids tous ses registres avec ses mauvaises actions. Dans ce hadith, le tawhid a été appelé hasana. Qul la ilaha illallah a été appelé hasana. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit « وَمَنْ كَسَبَ سَيَّةً وَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » Et quiconque acquiert une mauvaise action, et là il s'agit dans ce verset-là, du shirk. Taïeb, car dans le verset après, dans le sens Allah, il dit, quiconque acquiert une mauvaise action, CIA, et se fait cerner par ses péchés, ceux-là sont les gens de l'enfer, ils seront éternels. Donc là, les Moussassiroun, ils ont expliqué que le péché cité dans ce verset, c'est le shirk. Car des gens se servent de ce genre de péché, de ce genre de verset, afin pour exclure les gens de la Ummah pour avoir commis des kaba'ir. Non. Al-tafsir, al-sahih, الذي جاء عن السلف هو هنا بمعنى الشرك. Donc d'où l'importance, comme on l'a dit dans le verset d'hier, de revenir aux salaf, de se référer à eux, car ils sont plus savants quant au tafsir des versets des hadiths. Et le plus grand des mufassirs parmi les tabi'in, et c'est d'après eux, ils ont dit que ce verset-là concerne le shirk. Naam. ثم قال في السؤال الخامس وعشرين. 25e question. فإذا قيل لك كم مراتب الدين. Si on te demande combien y a-t-il de degrés dans la religion, Alhamdulillah, a dit Masalakat Marat Ma'ana, fi al-Usul al-Thalatha. On en a déjà parlé dans le livre précédent qui était Les Trois Fondements, qui revient ici. Car cela fait partie de l'Aqidah du Tawhid, de connaître cela. Fakul Maratib al-Din Thalathatun, al-Islamu, wal-Iman, wal-Ihsan. Donc il y a trois degrés, trois niveaux. L'Islam, la foi, qu'on appelle Iman, et l'excellence qu'on appelle l'irsène, qu'on peut traduire par perfection ou non, ou excellence. Et le dalil de ces trois maratib, c'est le hadith de Omar, de Jibril. Quand Jibril a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an al-islam, wa sa'alahu an al-iman, wa sa'alahu an al-irsène. Parce que Jibril a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'islam, et on lui dit que l'islam, lorsqu'il est cité avec l'iman, on l'interprète par les actes apparents. Ensuite, Jibril a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'Iman, et celui-ci, lorsqu'il est cité avec l'islam, il n'a plus que les actes intérieurs. Et lorsqu'ils sont cités séparément, l'un va dans le sens de l'autre. Au kazalik, il a interrogé à propos de l'Irsan. Et ça va venir, Inch'Allah, dans les questions à venir. فقال في السؤال السادس وعشرين 26e question فإذا قيل لك كم أركان الإسلام. Si on te demande combien il y a de piliers dans l'islam, combien de piliers dans l'islam, هذا معروف, et ça c'est une chose qui est obligatoire de connaître et que même les koufars connaissent de nous. فقول خمسة أركان, dit cinq piliers. والدليل حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. Le dalil, c'est le hadith d'Ibn Omar, que l'islam a été fondé sur cinq piliers, l'attestation qu'il n'y a d'adorer légitime en dehors d'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, il y a l'accomplissement de la salat, l'accomplissement de la zakat, le hajj et le jet de Ramadan. Également, ce dalil, on le trouve dans le hadith de Jibril dont on a parlé, lorsqu'il interrogeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'islam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité les cinq piliers également. Et cet islam, c'est l'islam al-azi ou l'islam al-khas. C'est l'islam qui est particulièrement affilié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car on a expliqué déjà que l'islam est de deux façons. L'islam général, celui sur lequel étaient tous les prophètes, et le particulier, celui avec lequel est venu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec certaines règles, certains rites qui lui sont propres, et qui est défini justement par ces cinq piliers, comme dans ce hadith. Et le hadith de Jibril. ثم قال في السؤال السابع والعشرين 27e question. فإذا قيل لك ما هو الإيمان. Si on te demande qu'est-ce que la foi. Alors là, la foi, il faut savoir لغتان سي التصديق والإقرار. طيب لا فوا point de vue linguistique c'est le fait de croire et l'approbation. C'est le fait de croire et l'approbation. C'est-à-dire tu crois en une chose et tu l'approuves. Ça c'est une condition qui est importante de dire al-ikrar. Parce qu'Abu Talib, l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il croyait en son messager. Et Héracle, le César auquel était envoyé Abu Sofiane, il croyait en le messager. Et même parmi les Yahoud, ils croyaient en le messager. Cependant, ils n'ont pas approuvé. Donc cela fait que la foi ne leur a pas été attribuée. Il faut approuver. Quand on dit approuver, c'est-à-dire s'y soumettre. فقال après شرعاً استلاحاً هو النطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc c'est une prononciation de la langue, une croyance par le cœur et acte des membres. Et elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. C'est ça la foi. Chez les sunnati wa jama'a. Chez les gens de la sunna, c'est ça. Après, il y a d'autres groupes déviants qui ont divergé sur cette question et de là, ils sont égarés. Et la preuve qu'elle est une prononciation par la langue et acte des membres, le hadith d'Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, الإيمان بدعون أو صبون الشعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. Parce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit dans le hadith d'Abu Huraira, la foi possède plus de 70 ou 60 parties. La meilleure est la parole de la إله إلا الله et la plus basse c'est le fait d'enlever du passage ce qui gêne, les obstacles. Et la pudeur est une partie de la foi. Et ce hadith également démontre ces trois choses. D'accord ? La parole de la ilaha illallah, là c'est le notre bilisan, et enlever une chose du chemin, ça c'est un acte des membres, et la haya, la pudeur, est un acte du cœur. Et la preuve qu'elle est croyance par le cœur est le hadith de Omar, qui précède relatif au pied de la foi. Ainsi que la parole d'Allah, وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, et placez votre confiance en Allah si vous êtes croyant. Donc le tawakkul, c'est un acte du cœur, il est une condition de la foi. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de tawakkul, ce n'est pas un croyant. نعم. وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال من علامة الإيمان حب الأنصار ومن علامة النفاق بغض الأنصار. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de la foi, aimer les auxiliaires. Les Ansar sont ceux qui ont accueilli les Muhajirin al-Medina, les premiers habitants d'Al-Medina, qui ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons lorsqu'ils sont venus lors de leur émigration. Donc, c'est partie de la foi de les aimer. Et parmi les signes de l'hypocrisie, le fait de les détester. Et la preuve qu'elle augmente par l'obéissance et la parole d'Allah azawajal, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا اللَّهُ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وربهم يتوكلون. Les croyants ne sont que ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'on mentionne Allah et dont la foi augmente lorsque les versets sont cités et qui placent leur confiance en leur Seigneur. وقوله تعالى وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Dans le sens où il dit, il est celui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur, dans les cœurs des croyants, afin d'y ajouter de la foi à leur foi. Cela démontre que la foi augmente. وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا, et pour qu'augmente la foi de ceux qui croient. Et il y a différentes preuves. Là, le Shir, il a cité que certaines preuves qui sont connues, mais il y a d'autres adillah qui démontrent cela. Et la preuve qu'elle diminue avec la désobéissance, dans ce qui prouve qu'elle augmente, ce qu'on appelle ça, mahfoum al-mukhalafa, c'est-à-dire une compréhension par opposition. Quand une chose est affirmée, son opposition est déduite et en devient elle-même, dans beaucoup de cas, une preuve. Donc si elle augmente, c'est qu'elle diminue. D'accord ? Quand une chose augmente, c'est qu'elle peut diminuer également. Dans ce sujet-là. Et le hadith des parties de la foi que nous avons cité auparavant, c'est que le hadith d'Abu Saïd al-Khudri. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'a man ra minkum munkara, falyughayyir bi yadihi, falyamastatir fa bi lisani, falyamastatir fa bi qalbi, wa zalika adraf al-iman. Celui d'entre vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change avec sa main. Donc ça, c'est un acte de l'âme. S'il ne peut pas avec sa langue, donc un acte de la langue. S'il ne peut pas alors dans son cœur, un acte du cœur. Et ce niveau-là, c'est le niveau le plus bas de la foi. Ce qui prouve que la foi, elle a un minimum et elle a également un maximum, qui est le fait de dire « La ilaha illallah » avec ce que cela implique. C'est pas le simple fait de bouger la langue et de le prononcer comme beaucoup le font. Non, c'est le fait de le dire avec ce que cela implique. De dire « La ilaha illallah ». Donc cela montre que blâmer le blâmable fait partie de la foi. ثم قال في السؤال الثامن وعشرين. Si on te demande combien y a-t-il de piliers dans la foi. فقول ستة أركان. Dit qu'il y a six piliers dans la foi. Et ces six piliers sont cités dans le hadith de Jibril sur Omar ibn Khattab. حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il est interrogé par Jibril, qu'est-ce que la foi? Il a dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, bon ou mauvais. Il dit, tu as dit vrai. Donc ça, ce sont les six piliers de la foi. Et là, on rentre pas trop dans le détail, mais il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire. Car il y a dans cette partie du hadith des détails sur les questions. Par exemple, croire en Allah, ce n'est pas comme les gens s'imaginent, comme certains disent, croire en Dieu ou quoi. Là, c'est tout ce que cela implique parmi ses noms, ses attributs et autres. ثم قال في السؤال التاسع والعشرين فإذا قيل لك ما تعريف الإحسان بين العبد وربه. Si on te demande quelle est la définition de la perfection entre le serviteur et son seigneur. Car l'irsen, on peut le trouver entre les serviteurs entre eux, on peut le trouver pour le serviteur sur lui-même, et on trouve l'irsen qui concerne ce qu'il y a entre Allah et son serviteur. Et c'est ça qui nous concerne ici. C'est l'irsen, l'excellence, la perfection qui est entre Allah et son serviteur. Faqul huwa an ta'budu Allah kanaka tarahu. Donc c'est sa définition, et en même temps c'est le pilier. L'Irsen ne se compose que d'un seul pilier, c'est celui-ci. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne peux le voir, lui te voit. Et ce hadith également est une preuve qu'Allah Azzawajal voit. Parmi les attributs, la vue. D'accord? La vue. Et d'ailleurs, Allah Azzawajal, il a deux yeux. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Anna al-Dajjal arwar » Il a dit que le Dajjal était borgne, alors que ton Seigneur ne l'est pas. Et le contraire du borgne, c'est lui qui a deux yeux. Et là-dessus, il y a unanimité dans la Sunna. Après, Kama yukar da'iman, laysa kamithlihi shay'un wa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui est comme lui, et il est le parfaitement audient et le clairvoyant. Donc ses attributs, le comment, nous sont ignorés. ثم قال في سؤال 30 ونكمل به. Après dans la 30e question par laquelle on va finir ce درس. فإذا قيل لك ما حكم سب الله وسب رسوله وسب دينه والاستهزاء بذلك. Si on te demande quel est le jugement sur le fait d'insulter Allah ou son messager ou sa religion ou se moquer de cela. فقول هذا كفر أكبر من تعمده خرج من ملة الإسلام. Il dit cela et de la mécréance majeure. Celui qui fait cela volontairement, délibérément, sort de l'islam. Et de ses versets, et de son messager, que vous vous moquez. Ne vous excusez pas, vous êtes certes devenu mécréant après avoir eu la foi. Surat Tawbah. Naam. Et cela rentre dedans de se moquer des gens, des croyants, pour la religion qu'ils transportent. De se moquer d'un musulman, d'un croyant, pour ce qu'il reflète comme droiture dans la religion, en ayant connaissance que cela fait partie de la religion. Se moquer, par exemple, du hijab de la femme, d'accord ? Se moquer de la barbe pour elle-même, pas de la personne pour la barbe d'une personne comment elle est. La barbe en elle-même, se moquer des vêtements dont on se revêt, des rites de l'islam, de plein de choses. Tout en sachant que cela fait partie de la religion, cela rentre dans la moquerie. Et cela est parmi les noirceurs de l'islam. Et quand il dit le fait d'insulter Allah et son messager volontairement, c'est-à-dire quelqu'un qui est conscient de ce qu'il dit. Ce n'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui parlerait sous un effet d'une chose qui ne lui fait pas de la conscience, il ne réalise pas ce qu'il dit. Par exemple, quelqu'un qui aurait été Azbila, qui serait ivre, ou quelqu'un qui serait arrivé dans une colère tellement démente qu'il ne sait plus ce qu'il fait. D'accord ? Comme celui dans ce hadith de cet homme qui était tellement heureux, qui a dit « Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta min shidatil farah ». D'accord ? Comme cet homme-là qui était tellement heureux, il a dit « Oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton créateur, ton seigneur plutôt ». Il avait une jouissance tellement grande qu'il ne réalisait même plus ce qu'il disait. Là, le chef de quelqu'un qui parle, et lorsqu'il parle, il sait ce qu'il dit, même s'il est en colère. Ça reste toujours une colère où il n'a pas atteint la démence. Car des gens, des fois, ils incitent la religion. Ils savent ce qu'ils disent, ils sont conscients. Juste, ils disent, oui, j'ai dit ça sous la colère. On dit, ah, ça, c'est pas une excuse. À partir du moment où tu sais que tu l'as dit et tu comprends les mots que tu prononces, eh ben, ça rentre dedans. Insulter Allah, insulter son messager ou autre. Et parmi ce qui est le plus gravissime, c'est de défendre les gens qui font cela. Qui défendent ceux qui insultent Allah, qui insultent ceux qui défendent ceux qui insultent le messager sallallahu alayhi wa sallam, la religion de l'islam. Wa haoulaï munafiqoun. Cela sont des gens de l'hypocrisie. Naam. Taïeb. Falyoum naktafi biyad al-qadr. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.